Dieu en personne. Il dit qui est son Père? Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La Bible nous enseigne que c'est le Saint-Esprit qui est son Père. Nous sommes d'accord. Amen. C'est pas ça, frère? Amen. Le frère, s'il n'est pas d'accord, Michel n'est pas d'accord. Il est semblable à Dieu. Dans ce cas, il n'est pas d'accord. Il faut qu'on réfléchisse. Tu es d'accord que le Saint-Esprit est le Père du Seigneur Jésus? Non. Bon. Qui a dit que le Saint-Esprit est son Père? Dis-lui là où ça se trouve. Dans le livre de Matthieu et les autres évangiles, la Bible nous dit clairement que Marie Thomas n'aime pas la vertu du Saint-Esprit. Oui, dis où? Son Père se sent pour oui ou non? Oui, frère. C'est écrit où? Matthieu chapitre 8, verset 18. Il dit voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, étant fiancée à Jésus, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un homme du Seigneur vient en son lui dit, Joseph, ne prends pas de prendre avec toi Marie ta femme, parce que l'enfant qu'elle a conçu est du Saint-Esprit. Comment tu as demandé ça dans ta vie, frère? Donc le Saint-Esprit, c'est son. C'est tellement, il y a tellement de fauteuils que Marie qui lit comme ça, il a du mal à admettre que non, que ça va. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit c'est son Père. Nous sommes d'accord, frère? Non, tu peux, on ne peut pas être d'accord sur autre chose. C'est que c'est la référence. On a dit que c'est notre référence là-bas. D'accord? Alors donc, évidemment, il faut vraiment voir que ton acquiescement est vraiment acquiescé. Le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord? Là, je pose la question à une autre personne ici. Luc, mon cher frère, l'homme porte la nationalité de qui? Du Père. Okay. Donc, le Saint-Esprit est de la tribu de Judas, n'est-ce pas, frère? Non. Oui. Non. Donc ton Saint-Esprit vient de la tribu de Judas. Attends, comment? Oui. Frère. J'espère que Jusson allait doucement pour que tu comprennes bien ce que j'en ai dit. J'ai dit le Père de Jésus, c'est qui? On a tous rassemblé que c'est qui? Saint-Esprit. Puis j'ai posé la question que la nationalité ou bien la tribu d'un enfant vient de qui? Du Père. Nous sommes tous d'accord? Amen. Comment? Tu le prêches encore? Donc, le Père de Jésus, qui est le Saint-Esprit, donc par conséquent, moi ce que tu dis que c'est Joseph, vient donc de Judas. Le Saint-Esprit vient pour Judas. Dans ce cas, comment Jésus, on a lu littéralement là, et là tu ne peux pas tromper, qu'il est issu, on a dit qu'il est notoire. Donc, Maurice dit que c'est naturel, la preuve pour qu'il dit là, que c'est naturel qu'on sait que Jésus sort de Judas. C'est pas ce qu'on a lu, frère. Comment il est venu de Judas? Pourtant, il n'a pas de père de Judas. Allons-y. Pourquoi la Bible dit ça? Donc, c'est ça la question que je vous ai posée. Moi, je vais dire peut-être, on veut sans doute nous montrer par où il a été, où il a grandi. La lignée. Donc, ça a été grandi au Nigeria, il était nigérien. Non. C'est ce que tu as dit. Je ne vais pas dire. Il peut être Camerounais, j'ai grandi au Nigeria, c'est pas Nigeria. Mais c'est ce que tu as dit. Tu as dit, on veut sans doute dire qu'il a grandi là-bas. Le fait qu'il ait grandi là-bas, il prend la nationalité. Non. Alors, je vais vous laisser autrement. On va essayer. Frère Donald, pourquoi on l'appelle? On dit clairement là-bas, on a lu. C'est pour ça qu'il vous a fait lire ça. Pourquoi vous ne dites pas que vous n'avez jamais lu? On a dit qu'il est notoire que notre Seigneur est issu de Judas, de la tribu de Judas. C'est ça, non? Amen. Lui-même l'a dit encore pour confirmer ce que la parole a dit, que je suis le rejeton de David, le lion de la tribu de Judas. Et vous tous aimez ce nom-là, non? Le lion de la tribu de Judas est vainqueur. Jusqu'au maintenant de lui. Comment il est de la tribu de Judas? C'est le Seigneur qui a attribué lui-même la paternité. Il a décidé que même s'il n'est pas de là, il est là. Comme celui qui signe, il a promis à David qu'il devait faire asseoir un de ses descendants. Donc ça veut dire que c'est un descendant de David. David est de Judas, nous sommes d'accord. Comment il quitte de David jusqu'à ce qu'il arrive à Jésus? Il veut qu'on voit cela littéralement. C'est-à-dire comment on quitte de David jusqu'à arriver à Jésus en passant par Judas. Allons-y. C'est clairement noté dans Matthieu chapitre 1 que voici la généalogie de Jésus-Christ. Je vais vous expliquer comment on est là pour arriver à Judas. Voilà donc les choses, les grands morceaux de la Bible. Frère, c'est que la généalogie de Matthieu n'est pas la même avec la généalogie de Luc. Donc ça dit la Bible, c'est comme vous le dites. Non, la Bible, je ne sais pas comment, mais la généalogie partant de Matthieu jusqu'à Joseph et Marie, ce n'est pas la même que la généalogie bon, que la Bible a tracée. Donc il est hybride, Jésus. Bon, non, choisissons. Il n'y a pas de problème. Choisissons donc une généalogie. Laissons dans la généalogie, première généalogie, comment tu fais pour qu'il soit de Judas? C'est ça mon problème là-bas.